Y'a plus d'amants, y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide écran, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman. Toujours, même quand le temps file, quand il me tient la main, j'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai Thank you so much.